Chapitre 24e, comme un lapin. Le train de Marseille, 3 heures plus tard, roulait, laissant derrière lui dans la nuit une traînée de feu, un panache de fumée. La machine, monstre admirable qui dévore l'espace, après avoir fait à la roche une ample provision d'eau, reprenait sa course et comptait aller jusqu'à Dijon d'une traite. Les voyageurs, roulés dans leurs couvertures ou allongés dans les sleepings, s'apprêtaient à dormir. Dans un fourgon à bagages, fourgon supplémentaire, se trouvait la fameuse caisse pleine d'or que le gouvernement français avait la gracieuseté d'aller jeter dans le Bosphore. Ce fourgon, fermé par de gros cadenas, était en outre plombé, c'est-à-dire qu'il devait donner à l'arrivée à Marseille la preuve qu'on n'y avait pas touché, qu'il était demeuré inviolable pendant tout le trajet. Après ce fourgon, et relié à lui par un soufflet, se trouvait attaché un wagon de voyageurs comportant d'abord un double compartiment de première classe, puis des compartiments de deuxième, servis par un seul couloir mais séparés par une simple porte. Le premier compartiment était réservé. Un seul voyageur s'y trouvait, c'était Paulin Broquet. Dans le second compartiment de première classe, 4 voyageurs. L'un d'eux était Gabriel, sous un déguisement de touriste quelconque, puis de gentleman anglais qui gagnait Monte-Carlo, et un Français sans importance. Inutile de dire que les deux Anglais étaient Zigomar et Thom Twig, le troisième Français à Z qui secondait son maître. Dans les compartiments suivants venaient, mêlés aux voyageurs, quelques hommes de la bande de Zigomar. Les Z se trouvaient en nombre. Paulin Broquet était seul avec Gabriel. Il avait tenu à être seul. Le voyage très bien commencé devait, pensaient les voyageurs qui n'étaient pas dans le secret des singuliers compagnons que le train emportait avec eux, admirablement se poursuivre et très heureusement se terminer. Mais tout à coup, un quart d'heure environ après qu'on eut quitté la roche, la sonnette d'alarme fut tirée. Et, fait qui seul paraîtra invraisemblable dans cette aventure, elle fonctionna. Le train stoppa, en pleine voie, loin de toute gare, dans la nuit absolue. « Au feu ! Au feu !» criaient les voyageurs du dernier wagon. Le wagon de troisième classe, en effet, était enveloppé de fumée. Ce fut un affolement. En un clin d'œil, tout le monde réveillé sauta hors de son sleeping, à bas de sa couchette, loin de sa couverture. Les femmes poussaient des cris d'effroi. Les hommes hurlaient, injuriaient la compagnie, donnaient leur avis. Voulaient tout arranger et empêcher les chauffeurs accourus, le chef de train, de faire leur service. Tout le monde s'était porté à l'arrière. L'avant du train se trouvait complètement abandonné. Zigomar en profita. C'était en effet ces hommes qui avaient mis le feu au dernier wagon. Pendant ce temps, lui, Thom Twig, quelques autres hardis, habiles, forts, avaient fait sauter une des parois du fourgon, fermée à cadenas et plombée. La caisse contenant le million en or, enveloppée dans une couverture gris-bleu sombre, qui la rendait invisible dans la nuit, était jetée sur la voie et poussée dans la haie. De l'autre côté de la baie, sur une route en léger contrebas, se tenait un camion automobile qui attendait le précieux colis. Le coup était admirablement combiné, le lieu de son exécution parfaitement choisi. Il devait réussir, il réussit. Zigomar, maintenant, était maître de la fameuse caisse au million. Paulin Broquet, une fois de plus, venait d'être roulé. D'autant plus roulé qu'il n'avait pas quitté son compartiment réservé. Lui seul ne s'était pas dérangé. Il avait laissé Gabriel, son lieutenant, aller voir ce que c'était que cet incendie au wagon de queue. Lui, il était demeuré étendu sur sa couverture, ne voulant pas une seconde et pour aucune raison abandonner son poste de garde et cesser de veiller sur le trésor dont il avait la responsabilité. Les aides, ayant donc très habilement fait sauter le panneau et glisser la caisse hors du fourgon, ce qui ne demanda que quelques minutes, car depuis Paris le coup était prêt, se cachèrent dans la haie, à côté de leur conquête, attendant le départ du train pour opérer le chargement du butin sur le camion automobile. Mais Zigomar voulait un triomphe plus complet encore. L'occasion était trop belle. Il ne fallait pas la laisser passer. Comment ? Paulin Broquet, se fiant à la solidité des parois du fourgon, s'était tout simplement, accablé de fatigue d'ailleurs, endormi sur sa couchette, et il n'avait même pas eu la curiosité d'aller voir ce qui se passait plus loin. Il restait là, sous sa couverture, dans son grand manteau gris, la tête couverte jusqu'aux yeux par sa casquette de drap. Ah, c'était trop tentant pour Zigomar. Il essaya d'entrer dans le compartiment de Paulin Broquet et de couper très proprement la gorge du dormeur. mais un voyageur et une femme se trouvaient dans le couloir qui l'en empêchèrent. Alors il rentra dans le compartiment qu'il occupait tout à l'heure. Un petit carreau en losange permettait de voir dans le compartiment de Paulin Broquet. La couchette dans laquelle dormait le détective se trouvait au-dessous de ce carreau. Avec un diamant, Zigomar coupa le carreau. Il passa la main. Sa main tenait un revolver à balles blindées. Zigomar fit feu deux fois. Dans le bruit, dans le tapage de la machine, les cris des voyageurs, les deux détonations ne s'entendirent pas. Zigomar venait à bout portant de fusiller Paulin Broquet. Il venait de lui loger, car jamais il ne manquait son coup, de lui loger deux balles dans la tête. Mais Zigomar, son coup fait, Paulin Broquet mort, voulut retirer sa main de l'ouverture en losange et s'en aller. Or, il ne put retirer sa main, la fait repasser par l'ouverture. Il essaya de 100 façons, ce fut en vain. Il employa toute son adresse, toute sa force, rien ne réussit. Zigomar était pris. Pris au piège, pris comme un lapin dans un collet. À ce moment, Paulin Broquet parut à la porte du compartiment dans lequel Zigomar maintenant se débattait terriblement. Avant que Zigomar ait pu faire un mouvement de défense, prendre une nouvelle arme avec la main qui lui restait libre, Paulin Broquet s'était jeté sur lui. Il lui attacha le bras libre au corps. Il lui ficela les jambes et lui passa un bâillon. Puis, alors, coupant avec une pince le fil de cuivre qui retenait la main de Zigomar, il attacha aussi cette main au corps. Enfin, soulevant Zigomar, il l'emporta, comme un fardeau précieux, un peu lourd et difficile à enlever, jusque dans son compartiment à lui, et il s'y enferma. Il jeta Zigomar sur la banquette de devant, lui disant « Cette fois, mon garçon, ça y est, bouclé !» Pour plus de sûreté, il passa aux pieds et aux mains du bandit des chaînettes d'acier, donc un homme, aussi fort, aussi habile qu'il peut être, n'arriverait pas à s'en débarrasser. Certain maintenant de tenir son homme, sachant qu'il ne pourrait lui échapper, il le lia, par surcroît de précaution, à la banquette. Prenant une couverture, il la jeta sur Zigomar. Satisfait, content, il alluma une cigarette. Regardant, souriant Zigomar, qui sans doute, étouffant sous la couverture, se démenait pour s'en défaire en pure perte.